Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand reçoit aujourd'hui Bruno Fellini, auteur d'un ouvrage intitulé « Le monde selon Jaurès ». Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Bruno Fellini est en quelque sorte la mémoire vivante de notre République. J'avais très envie de l'entendre nous parler du fondateur du journal L'Humanité, ce pacifiste dans l'âme, assassiné par le nationaliste Raoul Villain à 3 jours du déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs cet assassinat aux conséquences incalculables que je vais vous raconter tout de suite. Par ailleurs, via la page Facebook de l'émission, Lucille vous demande de revenir sur l'origine de l'expression « pleurer comme une madeleine ». Bon, voilà une question. J'y répondrai un peu avant 15h. Pour le moment, basculons de 2014 à 1914 pour revivre les heures dramatiques de l'assassinat de Jean Jaurès. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Ferrand. Jaurès assassiné, demandez l'édition spéciale Jaurès assassiné. En ce petit matin du 1er août 1914, les crieurs de journaux qui, en ces temps de menaces pour la paix, sont à leur affaire, tiennent un titre à sensation. L'événement s'est produit la veille, le 31 juillet, à 9h30 du soir, rue Montmartre, à Paris, au Café du Croissant, où le fondateur du journal L'Humanité était venu en voisin pour dîner. Le café en question existe toujours, vous savez, et même la table du drame qu'on a mise sous verre. L'assassin est un jeune nationaliste de 30 ans à peine, il s'appelle Raoul Villain. Il fait partie de ces Français innombrables qui n'acceptent pas l'engagement total du leader socialiste en faveur de la paix. Villain, le bien nommé, a tiré 2 coups de feu. Une des balles est venue se ficher dans la boiserie, mais l'autre a perforé le crâne de Jean Jaurès. Depuis des mois, le chef de file du socialisme français se démenait pour lutter contre cet échauffement des esprits qui est en train de faire basculer l'Europe dans le plus sanglant, dans le plus meurtrier des conflits. La guerre, elle sera terrible, a prophétisé Jaurès, qui remue ciel et terre, qui active ses réseaux en France mais aussi en Allemagne et partout en Europe pour tenter d'empêcher l'inéluctable. Évidemment, la question se pose, et je la poserai à Bruno Fellini, est-ce que si Jean Jaurès avait vécu, la Première Guerre mondiale aurait pu être évitée? Est-il pensable qu'un simple leader d'opinion, certes bourré d'énergie et de grand talent, soit en mesure d'aller contre de telles forces? Ce qui est déjà certain, c'est qu'une fois Jaurès assassiné, plus rien ni personne ne s'opposera plus à la fameuse union sacrée qui, dans l'enthousiasme de la déclaration de guerre, va prévaloir très bientôt chez presque tous les responsables politiques et syndicaux. Nous parlons donc bien d'un événement d'une portée majeure. Quand il est assassiné, Jaurès a presque 55 ans. Il est né en effet le 3 septembre 1859 à Castres. Pour lui, l'entrée en guerre de la France marquerait la faillite de toute une vie de combat pour la paix. Lui qui a préconisé devant le Congrès national du Parti socialiste, qu'il avait créé en 1902, lui qui a prôné la grève générale pour éviter le pire. D'ailleurs, même en ce 31 juillet, alors que le mot de guerre est déjà sur toutes les lèvres, Jaurès garde confiance ou veut garder confiance. Pour l'historien Jean Rabaud, il veut, je cite, « en premier lieu, tâcher de préserver la paix par l'action internationale du prolétariat. En second lieu, assurer la défense de la France si malgré tout le conflit éclate. En troisième lieu, veiller à ce que la France ait, dans ce cas, le bon droit pour elle de manière à bénéficier de l'appui anglais. » C'est très intéressant ces phrases de Rabaud parce qu'à mon avis, elles commencent à nous donner quelques indices pour répondre à la question « Jaurès aurait-il pu éviter la guerre ?» Alors, on n'en est pas tout à fait là. En ce jour d'été, qui est le dernier jour de sa vie, Jean Jaurès s'est levé à 8h30 le matin. La nuit a été difficile, il faut dire qu'il était rentré la veille harassé d'une longue journée. Sa femme est absente, on est en période estivale, elle se trouve dans le Tarn avec leur fils Louis, mais Madeleine qui a 25 ans, est restée à Paris avec son père. C'est elle, ils sont très proches, ce père et cette fille, on va en reparler tout à l'heure avec Bruno Fellini. C'est elle qui a préparé le petit déjeuner ce matin-là. Jaurès, tout en buvant son café, lit la presse. Évidemment, on n'y parle que de guerre, de guerre, de guerre. À 9h, visite de son ami Lucien Lévy-Brulle, qui est très inquiet. Jaurès lui dit « Il faut espérer ». Lévy-Brulle racontera ça plus tard, évidemment. Tous les propos qu'aura tenus Jean Jaurès au cours de cette ultime journée vont revêtir une dimension, une importance particulière. Le grand technologue va rester à peu près 2 heures avant avec son ami. Et puis, il le laisse. Après quoi, Jaurès quitte son domicile. On est donc aux alentours de 11h. Il se déplace par le métro, hein, pas de voiture. Chez les Jaurès, il fait chaud, très chaud, il porte une serviette bourrée de livres, comme il le fait toujours, ce qui déforme complètement sa serviette, il est vêtu d'un veston noir, d'une cravate noire au nœud tout fait, c'est des cravates qu'il achète 45 centimes au solde du bon marché. Il va passer par l'Humanité, le journal qu'il a fondé en 1904 et qui à l'époque est l'organe du Parti Socialiste, et il demande ce qu'il en est en Angleterre à ses collaborateurs qui sont là au journal. Marius Vip, notamment, l'un de ses collaborateurs, lui répond « L'Angleterre ferait une dernière tentative pour arriver à une médiation. Il faut donc espérer que l'Angleterre garde son cap, continue dans ce sens de la médiation. » La vérité, c'est que Jean Jaurès paraît abattu. Le capitaine Gérard, un officier à qui il a dédicacé son livre « L'armée nouvelle » en 1910, raconte l'avoir vu seul dans son bureau, je cite, « La tête entre les mains et cette tête paraissait fulgurante, énorme, trop grande pour cette pièce. » À 2h30, le député du Tarn est à la Chambre des députés. Il participe à une réunion informelle du groupe socialiste, salle des quatre colonnes. Il y a une grande inquiétude, évidemment, chez les députés, et chez les socialistes en particulier. Et puis Jaurès, à ce moment-là, croise le ministre de l'Intérieur, Louis Malvy, qui lui annonce que l'Allemagne a proclamé le Kriegsgefahrzustand, c'est-à-dire une sorte d'état d'alerte à la guerre. Jaurès avait demandé à rencontrer le président du conseil, Viviani, mais celui-ci, on peut le comprendre, est très très occupé par ses journées de préparation de la guerre. Jaurès n'est donc reçu à 17h30 que par le sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, Abel Ferry, un neveu de Jules Ferry. Jaurès n'est pas seul, il y a toute une délégation socialiste avec lui, les députés Bedouce, Cachin, Longuet, Renaudel. Il implore Abel Ferry, « Je vous en supplie, monsieur le ministre, il faut que vous obligiez votre allié russe à accepter l'arbitrage que Londres propose à Pétersbourg et à Berlin. Là est le devoir, là est le salut, dit-il. » Abel Ferry assure que c'est exactement ce que fait le gouvernement et Jaurès s'insurge. « Non, vous ne le faites pas comme il faudrait. » Et il assure « Si vous nous conduisez à la guerre, nous nous dresserons et nous crierons la vérité au peuple. » Et Ferry lui rétorque « Non, vous n'oserez pas, car vous serez tué au premier coin de rue. » Vous serez tué au premier coin de rue. Et en marge de cette fameuse réunion, à l'oreille de Bedouce, Ferry va avouer « Tout est fini, il n'y a plus rien à faire ». Voilà ce que nous disent Gilles Candard et Vincent Duclerc. « Jaurès, écrivent-ils, comprend son erreur. Il a voulu faire confiance au gouvernement français dans sa volonté d'arrêter la Russie sur la voie de la guerre. Viviani l'a abusé. Le ministère ne s'est jamais imposé aux Russes, contrairement aux engagements de la veille. Puis, le gouvernement n'a pas agi pour stopper l'engrenage. Il n'a pas gouverné. On peut dire que désormais, tout le monde marche à la guerre comme un seul homme. » Thank you. Dvorak sur Europe 1, un extrait de la danse slave. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'assassinat de Jean Jaurès. Alors, ce même 31 juillet 1914, pendant que Jaurès est en train de se battre désespérément pour ce qu'il peut rester de la paix, Raoul Villain se prépare à le tuer. Il est à Paris depuis 2 jours, en provenance de Reims, il est arrivé par le train évidemment. Alors qui est-il, ce jeune homme blond et moustachu de 29 ans? C'est le fils d'un greffier de Reims. Lorsqu'il avait 2 ans, il a été jeté par la fenêtre du premier étage par sa mère. Je n'invente rien, inutile de vous dire que la mère forcément a été internée. Alain Decaux parle à son sujet d'un enfant apathique. Il parvient à l'âge d'homme sans avoir touché une femme, écrit-il. Il est dévot, presque bigot. Il n'a pas son bac, Raoul Villain, mais à l'époque ça n'était pas aussi indispensable. Il a obtenu un titre d'ingénieur agronome. Il est attaché à toutes sortes de mouvements. C'est quelqu'un qui vit beaucoup par les slogans, si l'on peut dire. Il fait partie du mouvement à la fois catholique et républicain de Marc Sandy. Le sillon, vous savez. Mais il adhère aussi à la Ligue des Jeunes Amis de l'Alsace-Lorraine. Ça, c'est une ligue liée à l'Action française. Et c'est là, du reste, qu'il apprend à considérer Jaurès comme un traître, comme l'allié objectif de l'Allemagne. R. Jaurès, comme on l'appelle dans l'association. Jusque-là, Raoul Villain avait surtout nourri une haine à l'encontre du Kaiser, Guillaume II. Mais, évidemment, plus on s'approche de la guerre et plus la figure de Jaurès lui paraît s'imposer comme le véritable traître. Pour lui, Jaurès sera, je cite, « le grand professeur de lâcheté qui mérite 1000 fois la mort ». Et il dira qu'il fallait fermer, je le cite encore, « la grande gueule qui couvrait les appels de l'Alsace-Lorraine ». Il était très loin, Raoul Villain, d'être le seul à songer ça en France à l'époque. Très loin. Mais lui va joindre le geste à la pensée, si je puis dire, c'est beaucoup plus rare ça. Villain souhaite la guerre, il l'attend même. Jaurès est celui qui s'y oppose le plus fortement, et bien il devient l'homme à abattre. Alors, pendant que Jean Jaurès recevait les Vibrules, passait à l'Humanité, se rendait à la Chambre, puis chez Abel Ferry, qu'a fait de son côté celui qui s'apprêtait à l'assassiner ? Il s'est réveillé à 8h du matin dans un hôtel de la rue d'Assas. Sous son oreiller, il a 2 revolvers. Vous voyez tout de suite le genre, si je puis dire. En descendant, il découvre un télégramme de son père qui est à la réception de l'hôtel. Le télégramme dit « Reviens de suite, te parlerai posément dimanche, papa ». Vers 13h, Raoul Villain s'installe dans un restaurant du boulevard du Montparnasse. Il commande une omelette aux fines herbes. Il lit, il est tout seul à table. Hein. Alors, il fait beau, il fait même chaud ce jour-là, je vous l'ai dit. On est en plein milieu de l'été. Il lit L'oiseau bleu de Maeterlinck. Il repasse ensuite par sa chambre d'hôtel où il va démarquer son linge. Ça fait penser, toute proportion gardée, et je ne veux pas du tout établir un rapport, mais ça fait penser, pour ce qui est de l'emploi du temps, un peu à l'emploi du temps de Charlotte Corday lorsqu'elle s'apprête à aller assassiner Marat. La comparaison on s'arrête là, je précise tout de suite, pas envie de faire sauter le standard. Il jette le télégramme de son père à la corbeille, puis il va se promener au jardin du Luxembourg. Il passe par Notre-Dame où il allume un cierge et à 18h, il va chez le coiffeur rue de Verneuil avant de rentrer de nouveau se reposer. À 19h, il se prépare, il place les 2 revolvers dans son veston. Il taille sa moustache, il coiffe un chapeau de paille noire et il va quitter l'hôtel à 19h30 pour se rendre au restaurant chez Pocardi où il mange, où il boit bien. Il tente d'écrire, il fait des petits dessins, des gribouillages. Il dessine notamment un moustachu portant un casque colonial. Il se lève, il va aux toilettes, il se peigne, il se lave les mains, il sort. Pendant ce temps, Jaurès, lui, est rentré au siège du journal. Il est 20h quand il franchit le seuil de l'Humanité, 142 rue Montmartre. Il veut écrire l'article décisif. « Je vais écrire cette nuit une sorte de j'accuse où je dénoncerai les causes et les responsables de cette crise », a-t-il expliqué. Il croit encore, Jaurès, en la médiation britannique. Il espère aussi une intervention du président des États-Unis, Woodrow Wilson. L'article est là, déjà prêt, dans sa tête. Mais avant de le coucher sur le papier, il faut quand même un peu se sustenter. Alors il décide, vers 21h, d'aller dîner tout près de là, avec des proches. Quand je dis tout près de là, c'est au café du Croissant, qu'il a choisi de préférence à 2 autres, parce que c'est un endroit calme. Il ne veut pas, il veut pouvoir parler tranquillement et puis se préparer à la rédaction de son grand article. À table, Jaurès se place dos à la fenêtre. Il est à sa place familière, entre Pierre Renaudel et Philippe Landrieux. Il y a 10 personnes en tout autour de la table. Le café du Croissant est bondé, vous imaginez. matinée, hein, c'est 21h, c'est l'heure de pointe, on est l'été encore une fois, il fait très chaud, raconte un chroniqueur. Par à coup, la grande voie des boulevards arrive, mais la rue Montmartre est calme. Depuis quelques jours, on la repave et des barricades en interdisent la circulation. Soudain, Bertre aperçoit, donc un des compagnons qui sont à la table, aperçoit un homme, une silhouette arrêtée derrière le rideau de mousseline qui regarde leur table. C'est vraiment pas malin de s'être installé là, dit-il. On aurait pu. Renaudel le coupe. Non, on n'aurait pas pu, toutes les tables étaient occupées. Un collaborateur du journal entre à ce moment-là avec des dépêches. Alors, dit Jaurès, il saisit les dépêches, il ajuste son lorgnon après avoir frotté au coin de sa serviette les verres. À haute voix, il lit. À la Chambre des communes qui était bondée, Mr. Asquith a fait la déclaration suivante. Nous venons d'apprendre, non de Saint-Pétersbourg, mais d'Allemagne, que la Russie a proclamé la mobilisation générale de son armée et de sa flotte et qu'en conséquence, la loi martiale a été proclamée en Allemagne. Dans ces conditions, je préfère ne répondre à aucune question avant lundi. Avec la médiation britannique, a, si vous me passez l'expression, un peu de plomb dans l'aile. Jaurès retire son lorgnon, il dit tout bas, et pourtant le temps presse. À la fin du repas, un journaliste du bonnet rouge s'approche de la tablée. Il montre, vous savez, on se tape dans le dos, on parle parce que bon, on a beau être à la veille de la guerre, ce sont des amis, la vie continue si je puis dire. Le journaliste en question montre à Landrieu une photo de sa petite fille. « On peut voir ?» demande Jaurès qui aime les enfants. Ce seront ses dernières paroles. Ils sont là. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'assassinat de Jean Jaurès. Comment est-ce que Raoul Villain a su que Jean Jaurès dînait au Café du Croissant? Oh, très simplement, à 21h, il s'est présenté à l'entrée du journal L'Humanité. Il a l'air tout à fait bien propre sur lui. Il a demandé poliment à voir Monsieur Jaurès. Et la concierge, qui ne s'est donc pas méfiée, lui a répondu « Ah, Monsieur Jaurès, il est en face, il est en train de dîner au Café du Croissant ». Je vous propose d'entendre maintenant le témoignage de Pierre Renaudel, qui donc était le plus proche, qui va être le successeur de Jean Jaurès à la tête de l'Humanité, qui est un des plus proches collaborateurs de Jean Jaurès. C'était un disque qu'a diffusé la SFIO en 1929, vient de m'apprendre Bruno Fuligny. 31 juillet 1914, Jean Jaurès est arrivé tard à l'Humanité. Les dépêches tardent, il est 20h. « Allons dîner au plus près, au croissant, dit-il, nous y serons davantage entre nous. » Il y a là avec lui ses amis de parti, ses collaborateurs. Entre deux, Jean Jaurès est assis. Il fait chaud, la fenêtre est ouverte, un brise-bise sépare seul Jaurès de la curiosité ou de la malfaisance de la rue. Il est déjà 21h40. Tout à coup, le brise-bise s'agite brutalement et se déplace. Une main s'avance vers la tête de Jaurès. Un scintillement de nickel, deux éclairs, deux claquements. Dès le premier, Jean Jaurès s'est incliné doucement sur le côté gauche. Une clameur déchirante et aiguë de Marguerite Poisson. Ils ont tué Jaurès. Dans la rue, Raoul Villain est presque aussitôt arrêté. Au milieu des sanglots, le docteur prononce, messieurs, monsieur Jaurès est mort. Messieurs, Monsieur Jaurès est mort et c'est Pierre Renaudel lui-même qui nous le dit. Devant le restaurant, autour de l'Humanité, la foule grandit bien entendu. Raoul Villain était arrêté, vous l'avez compris, et aussitôt il s'est justifié. Si j'ai commis cet acte, c'est parce que Monsieur Jaurès a trahi son pays en menant sa campagne contre la loi des 3 ans, dit-il. J'estime qu'on doit punir les traîtres et qu'on peut donner sa vie pour une cause semblable. Il pense que sa tête va bientôt rouler, Raoul Villain. Il se trompe. Ce qui est sûr, c'est que Jean Jaurès n'écrira jamais son grand article, l'article de la dernière chance, et que désormais plus rien, ou en tout cas plus personne, ne s'opposera à l'acceptation de la guerre. Il va falloir 4 ans et 8 mois avant que Villain ne soit jugé. La justice repoussera constamment l'échéance, trimestre après trimestre, au gré des ordonnances du président de la cour d'assises, piloté évidemment par la chancellerie. Villain est incarcéré à la prison de la Santé. Il est soumis à un régime particulièrement sévère, il faut le dire. Il est en cellule, isolé. On lui donne juste ce qu'il faut de nourriture. La surveillance est permanente, avec une lampe électrique qui est toujours allumée dans sa cellule. L'acte d'accusation date du 22 octobre 1915 et cet acte retient, il fallait s'y attendre, la thèse du crime solitaire. L'instruction a établi que l'accusé n'avait pas de complice. Il était seul au moment où il a tiré, peut-on lire dans l'acte d'accusation. Il a été démontré qu'il ne fréquentait pas les groupements politiques militants et qu'il n'avait point entretenu de relations avec les agitateurs des partis extrêmes. Le procès ne commencera donc, le véritable procès devant les assises ne commencera qu'en 1919, après la guerre. Il serait peut-être plus utile de préciser après la victoire, dans cette espèce de climat d'euphorie qui a suivi la victoire de 1918. Raoul Villain semble en pleine forme, malgré les années de prison. Assez grand, point trop mince, nous dit un chroniqueur judiciaire, de teint rosé, il semble être de bonne constitution physique, encore qu'on saisisse facilement en lui certains signes dénotant un tempérament nerveux. C'est ainsi que son regard se fixe difficilement sur un objet déterminé. Abandonné à lui-même, pendant que le président ne l'interroge plus et que les témoins ou les avocats discourent sur des faits étrangers au débat, ses yeux se lèvent vers les hautes fenêtres, on a l'impression d'y être, son regard se perd dans le vide. Raoul Villain déclare « Monsieur Jaurès m'a semblé être un véritable danger pour la patrie. Je l'ai vu uniquement sous la figure de l'homme qui avait prononcé ces paroles si graves pour un Français, la grève de la mobilisation. Je n'ai pensé qu'à la patrie. J'ai des sentiments profondément religieux, mais au moment de tuer Monsieur Jaurès, la pensée de ma conscience ne s'est pas du tout présentée à mon esprit. Il ajoutera que sous l'impulsion momentanée du danger, il a écarté le rideau. J'ai tiré, dira-t-il, ne pensant pas que Monsieur Jaurès avait une femme et des enfants. » Ça peut-être partie des choses qu'on dit dans un prétoire. Les médecins l'ont en tout cas défini comme, je cite le rapport d'expertise, un être inachevé, incomplet, mal équilibré, qui doit cependant rendre compte de son acte à la justice, mais qui a droit à l'indulgence des juges. Ah mais c'est le moins qu'on puisse dire, puisque contre toute attente, j'ai envie de dire contre toute justice, Raoul Villain est acquitté. Les jurés vont considérer que ce n'est pas une faute en quelque sorte d'avoir abattu Jaurès. La famille Jaurès devra payer les frais du procès. Encore une fois, on est dans cette ivresse de la victoire de 1919. Après son acquittement, Villain partira se réfugier sur l'île d'Ibiza. Avec un héritage, il y fera même construire une maison. La population l'appellera le fou du port et beaucoup plus tard, il sera tué par des anarchistes. On retrouvera son corps, gorge éclatée, la poitrine percée d'un trou rouge sur une plage de galets. J'insiste encore, beaucoup plus tard. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour Franck Ferrand. Nous allons revenir avec vous dans un instant sur non seulement cet acte incroyable, cet assassinat de Jean Jaurès et ses conséquences, mais aussi sur le procès de Raoul Villain. Et puis surtout, nous reviendrons sur la personnalité du député du Tarn, personnage fascinant, très grande figure politique du début du XXe siècle. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Jean Jaurès, avec votre invité Bruno Fulini, historien, maître de conférences à Sciences Po, auteur du Monde selon Jaurès, polémique, réflexion, discours et prophétie aux éditions Talendier. Alors, avant d'en venir à Jaurès, Bruno Fulini, peut-être un mot de Raoul Villain. Il est donc acquitté. Comment la population française reçoit-elle un tel verdict ? Il y a une partie de la population qui trouve que c'est très bien et qui n'aurait peut-être même pas voulu de ce procès qu'on a effectivement reporté pendant toute la durée de la guerre. Bien sûr. Et puis il y a à gauche, non seulement chez les socialistes, mais aussi chez certains radicaux, un sentiment de révolte. Il y a d'ailleurs des scènes de rue, hein, parce que évidemment c'est un déni de justice tellement énorme, tellement colossal. J'insiste, il n'y a absolument aucun doute sur la culpabilité de Villain. Villain, le soir de l'attentat, a jeté son arme dans le canyon et a fait quelques pas, il aurait pu se fondre dans la foule, c'est un personnage tout à fait banal. Manque de chance pour lui, sur le trottoir d'en face, il y a un gardien de la paix, Marty. J'ai eu entre les mains le rapport manuscrit de ce gardien de la paix qui indique comment il voit que ce personnage est suspect, il l'appréhende sans même tout de suite savoir ce qui s'est passé, très vite la foule veut le lyncher. Bon, Villain va finir par être identifié, on est absolument certain que c'est Villain l'assassin. Donc il n'y a absolument aucune raison de l'acquitter. Il y a eu des thèses pour dire qu'on avait profité de sa faiblesse, faiblesse, de son manque de volonté, qu'on avait armé sa main. Absolument rien encore ne le prouve. Les rapports d'expertise disent qu'il avait sa conscience. Il est totalement immature, ça c'est une évidence. C'est un raté. C'est un de ces personnages, comme on en trouvera à d'autres occasions. En même temps, les policiers redoutent ce genre de personnages. Comme ils agissent seuls, il est impossible de les prévoir. Machiavel a écrit que la meilleure façon de réussir un complot était de le mener seul. C'est exactement ce que fait bien Villa, entendu. Avec des moyens ridicules. Mais en face, Jaurès n'est pas un homme méfiant. Il n'y a pas de dispositif de sécurité. Au dos de la fenêtre, c'est incroyable. Hein. Alors, dans ce contexte-là, le dos à la fenêtre, pardon. Le dos à la fenêtre, avec une fenêtre qui est ouverte. Il y a juste ce brise-bise, donc qui est un petit rideau, hein, rien d'autre. Et on n'imagine pas qu'en plein quartier de la presse, pour ainsi dire aux portes du journal L'Humanité, quelqu'un va tirer sur Jaurès. Et pourtant, les menaces, les invectives, les appels au meurtre n'ont pas manqué. Un an avant, en 1913, Jaurès lui-même proteste contre la droite en disant « Dans l'hémicycle, il y a ici, contre nous, un appel perpétuel à l'assassinat. » Et toute la droite, évidemment, proteste. Jamais. Bon. Je trouve que les termes qu'emploie Abel Ferry l'après-midi même de l'assassinat de Jaurès sont d'ailleurs à double entente. C'est assez effroyable. Un membre du gouvernement lui prédit que s'il s'aventurait à vouloir dresser les ouvriers contre la nation, en gros, il finirait par une balle dans la tête. C'est assez incroyable. Bah, l'avertissement était juste. Je ne pense pas que c'était une menace. Non, c'était un appel à la prudence de la part d'Abel Ferry, qui est nettement plus, bien sûr, modéré que Jaurès, mais qui fait partie d'un gouvernement de gauche, qui est un républicain et qui a une certaine estime pour Jaurès, même s'il ne partage pas du tout ses idées sur la conduite de la guerre. Il est bien clair que Raoul Villain a agi seul. Mais il est bien entendu le bras armé de tout un courant de pensée. Il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'au moment de l'assassinat de Jaurès, le 31 juillet 1914, il y a toute une partie de la France, quand je dis toute une partie, une grande partie qui dit « ouf », tout simplement. C'est-à-dire que ça simplifie les choses, pour dire cela vulgairement. Je veux dire que Jaurès est le dernier obstacle à la paix, à la guerre, pardon. Il est le grand dernier défenseur de la paix, avec cette menace de faire une grève générale coordonnée avec les sociaux-démocrates allemands. C'est ça. Il y avait deux menaces. Une immédiate, qui était le fameux article qui devait paraître à la une de l'Humanité, grande manchette. Hein, ça aurait été le j'accuse de Jaurès. Guerre. Donc celui-là, on ne le verra jamais par définition. Et puis une menace plus lourde mais plus diffuse, celle d'appeler à la grève générale, grève de la mobilisation. Est-ce que ça aurait pu réussir, si je puis dire? Est-ce qu'on aurait pu éviter la guerre de 14? C'était la question que je posais pour ouvrir cette émission. En fait, l'engrenage infernal est lancé depuis la fin juin et l'attentat de Sarajevo. Les systèmes d'alliance font que la Serbie étant menacée par l'Autriche qui veut la guerre, qui impose à la Serbie des conditions telles qu'elle ne peut que les refuser, la Russie est pour ainsi dire contrainte d'attaquer l'Autriche et à partir de là, il est logique que l'Allemagne et la France suivent. Si Jaurès avait été en capacité réellement de provoquer une grève coordonnée en France et en Allemagne, ça aurait pu être dissuasif. Mais en fait, est-ce que les sociaux-démocrates allemands, qu'il a rencontrés à Bruxelles quelques jours avant, ont ce pouvoir? Je n'y crois pas. Et d'ailleurs, on voit bien au déclenchement de la guerre, cette social-démocratie allemande, comme la grande majorité des socialistes français, eh bien, vont entrer dans des logiques d'union nationale. Ils vont profiter de la guerre pour essayer d'obtenir des avantages matériels pour le monde ouvrier. Mais le pacifisme ne renaîtra, et plutôt chez des anarchistes ou dans des franges assez extrémistes du socialisme, qu'à partir de 1916-1917. Il y a un autre nom du pacifisme qu'il ne faut pas manquer d'évoquer, c'est celui de Joseph Caillaux, qui aurait pu lui aussi peut-être s'opposer d'une façon plus gouvernementale, plus directe à l'entrée en guerre, à la course à la guerre, mais lui aussi avait été mis hors course avec l'assassinat par sa femme du directeur du Figaro. Donc ça faisait en fait les deux grands obstacles, les deux derniers obstacles humains du côté français à cette guerre de 14 ont été liquidés en quelque sorte. Et puis il y a une forme d'aveuglement. La force de Jaurès, ce qui fait que avec une sorte de désespoir, dit-il lui-même, il va défendre l'option de la paix jusqu'au bout, même quand ça n'est plus censé, c'est qu'il fait partie des très rares hommes politiques qui ont une claire conscience de ce que serait une guerre au XXe siècle. La plupart de ses contemporains, et Villain aussi d'ailleurs, il le dira dans son procès, pense que la guerre sera brève, comme a été brève la guerre de 1870, puisqu'on se prépare à la revanche, tout simplement. Exactement. Les nationalistes français veulent se venger et reprendre les provinces perdues et pensent que la guerre sera brève. Jaurès, lui, dans plusieurs textes, et en particulier un discours de 1911 absolument prophétique, décrit véritablement ce que 1910, seront... Il y a l'armée nouvelle, mais il y a aussi un discours fabuleux où il décrit Quand on lit ce texte, on a l'impression de voir les tranchées, la boue, la maladie, une guerre lente. Quasi prophétique. C'est totalement prophétique. Pourquoi ? Parce qu'il a lu la littérature militaire de son temps, parce qu'il a observé les guerres balkaniques qui, à une plus petite échelle, ont mis en œuvre les armements modernes, les méthodes nouvelles de guerre, et il se rend bien compte que ce ne seront pas des charges de cavalerie, ce seront des millions d'hommes qui vont fermenter dans la détresse, dans la maladie, pendant cette guerre. Et finalement, il dit à la droite belliciste, c'est vous, conservateurs, qui devriez empêcher la guerre, car elle va détruire le monde dans lequel nous sommes, elle va déclencher le déferlement des forces désordonnées. Ce qui rend Jaurès dérangeant pour toute la frange nationaliste d'une opinion, disons le belliciste, c'est la qualité de son verbe, c'est sa capacité à convaincre, c'est d'abord, et c'est peut-être ce qui vous fascine vous aussi Bruno Fulini, j'ai envie de dire c'est notre passion commune, c'est un très grand orateur. C'est un des plus grands tribuns de notre histoire. Et quand je dis tribun, c'est pas seulement quelqu'un qui parle bien. C'est un homme d'abord qui s'exprime sans notes. C'est un homme qui peut parler pendant 2 heures, 3 heures, soit en avec plein air. Un beau discours articulé. Avec pas, un discours, oui. pas des choses creuses. Bien ça, sûr, il maîtrise les techniques de la rhétorique, de la respiration, toutes ces choses-là. Mais il y a un fond. Pourquoi ? Parce que Jaurès, d'abord et avant tout, c'est un intellectuel. C'est un normalien, professeur agrégé de philosophie. Et aussi incroyable que ça puisse paraître en politique, il poursuit un idéal de vérité. Et donc, il va tout faire pour démontrer. Il va tout faire pour argumenter. C'est à la fois un homme de grande culture, un homme de combat aussi, et les deux se rassemblent lorsqu'il prend la parole. Et on a des témoignages de gens, y compris des adversaires, comme Maurice Barrès, qui assistent littéralement émerveillés aux prestations de Jaurès. On est sous le charme. Jules Renard, d'abord, dira que sa voix, c'est l'accent de l'airain. Il a une très belle voix grave avec un accent du sud-ouest. C'est voilà, c'est porté. Très fascinant, hein, qui donne le sentiment. Il y a ses attitudes, effectivement. Oui. Et puis, il y a quelque chose de sauvage, de physique, de vital. Il faut savoir que lorsque Jaurès arrivait au Palais Bourbon, les huissiers regardaient un détail avec attention, c'est est-ce qu'il avait les mains libres ou est-ce qu'il avait une valise. Et s'il avait une valise, la séance allait durer longtemps, c'est qu'il allait parler. Pourquoi ? Parce que quand Jaurès parle, il transpire tellement qu'il doit se changer après. Donc la valise, c'était indispensable quand Jaurès avait prévu de parler longtemps. Plusieurs fois, il est au bord de l'épuisement à la tribune, ses collègues lui disent reposez-vous, reposez-vous, et il se repose, on reprend le débat le lendemain, et il repart pour 2 heures. Il se jette littéralement dans le débat, il fait corps avec ses propos, et ses propos, ce sont tous les fondements de ce qui aujourd'hui encore constitue le credo de la gauche, en tout cas d'une certaine gauche pure, si je puis dire. Alors, qu'est-il intellectuellement et politiquement ce Jaurès ? C'est un républicain d'abord. D'abord, c'est un républicain et un petit peu un surdoué, hein, puisque quand il est élu, il sort pour ainsi dire de l'école. C'est un très jeune professeur. Il est élu député pour la première fois à quasiment 26 ans. Donc c'est très jeune. Et à ce moment-là, c'est un républicain modéré. Mais à une époque où être républicain, c'est déjà un combat. La République est toute récente. Ça ne va pas de soi, déjà. Oui. C'est tout à fait une option politique qui n'est même pas forcément tout à fait majoritaire encore. Bon. Et puis, avec en particulier les conflits qui ont lieu dans son département, le Tarn, et les conflits sociaux, les mineurs en grève, il va évoluer vers la gauche. Ça aussi, c'est assez rare pour être souligné. Souvent, les hommes politiques ont un petit peu tendance à évoluer vers la droite. Jaurès, lui, va évoluer vers la gauche. C'est ce qu'il va appeler une forme d'approfondissement. Et là où il est tout à fait intéressant pour nous, contemporains, c'est qu'il considère que le socialisme, en fait, c'est l'approfondissement de la République. Contrairement à d'autres socialistes pour qui le socialisme était quelque chose de différent, qui niait, par exemple, l'idée de patrie, eh bien lui, le socialisme, c'est ce qui prolonge la Révolution française. Le socialisme, il en est le fondateur en France, il faut dire. Disons que c'est lui, en tout cas, qui va réunir les différentes factions. Il faut imaginer que quand Jaurès est jeune, il y a déjà des écoles socialistes, certaines même assez anciennes, qui puisent leurs racines dans le socialisme utopique de 1848. Bon, mais ce sont des petites chapelles avec des rivalités qui ne sont pas très organisées. Et tout le travail de Jaurès, c'est pour ça qu'il crée l'humanité. C'est ça, il va créer une tribune. Il va créer d'abord une tribune et ensuite un parti qui est en fait une fédération, la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, et il va réussir à rassembler des gens qui se réclament du marxisme, des gens qui se réclament d'un socialisme anti-autoritaire qui est presque anarchisant, des gens qui sont des socialistes municipaux plutôt modérés, et tout ce monde-là va cohabiter grâce à Jaurès qui va les rassembler dans des lieux, et puis qui va élaborer une pensée qui, si j'ose dire, englobe ces idéologies particulières dans une compréhension du monde, de l'homme, de la société, qui est finalement acceptable pour tout républicain. D'où une certaine croissance du vote socialiste. Et d'ailleurs, en 1914, en avril mai 1914, les socialistes dépassent la centaine de sièges au Palais Bourbon. Donc ça devient une force tout à fait importante à gauche. Le mûrissement de tout ça, c'est fait sous l'impulsion de l'affaire Dreyfus, bien entendu. L'affaire Dreyfus joue un rôle essentiel dans sa carrière et dans son positionnement, si je puis dire. D'autant que Jaurès, au départ, aussi étonnant que ça puisse paraître avec nos yeux d'aujourd'hui, a des petits relents d'antisémitisme. Ce qui est assez courant dans l'extrême gauche à la fin du 19e siècle, parce qu'on identifie le juif au capitalisme, au cosmopolitisme de la finance. Et avec l'affaire Dreyfus, il va se défaire de ces préjugés-là, et il va considérer que Dreyfus est avant tout une victime, la victime d'une erreur judiciaire, et qu'un socialiste ne peut pas accepter l'erreur judiciaire, ne peut pas accepter l'injustice, quand bien même elle frapperait un officier bourgeois. Alors ça, c'est le Jaurès politique. Ce que j'aimerais que nous voyions maintenant, c'est la personnalité, le bonhomme lui-même. Nous allons essayer d'entrer dans son intimité. Europe 1, au cœur de l'histoire. Eric Satie sur Europe 1, un extrait de la Gymnopédie. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, dans Cœur de l'Histoire de Jean Jaurès, avec votre invité Bruno Fuligny, historien, maître de conférences à Sciences Po, auteur du Monde selon Jaurès, polémique, réflexion, discours et prophétie aux éditions Talendier. Ce sont quelques accents d'Eric Satie, simplement. Cet ouvrage, Le Monde selon Jaurès, est comme toujours, j'allais dire souvent, comme toujours avec Bruno Fuligny, fourmillant, passionnant, polémique, réflexion, discours et prophétie, tout y est. La politique est tout pour lui et le reste vain détail, écrit Bruno Fellini. Plus qu'une ambition, plus même qu'une aspiration, parler au peuple constitue un besoin de sa personne intime, un penchant naturel et puissant auquel il ne saurait échapper. Sa propre mère, très tôt, s'en inquiète. Mérotte, comme il l'appelle avec douceur, rêve pour son fils d'une profession sûre et lucrative, tout en pressentant ses redoutables prédispositions à courir au forum. Elle s'en ouvre au sage de la famille, à l'oncle Benjamin Jaurès, futur ministre de la Marine, qui lui fait cette réponse lucide. « Tout ce que vous et moi nous pourrions faire, tout ce que nous lui dirions n'y changerait rien. Jean va à la politique comme le canard va à l'eau. » C'était son milieu, en quelque sorte. Et tout au long de la vie de Jaurès, on retrouve des métaphores animales. Bon, là, c'est le canard. Plus tard, on trouvera le fauve, le lion, bon, le taureau. Enfin, il y a effectivement une forme d'animalité dans la façon dont Jaurès s'exprime, se meut, en tout cas est perçu par ses contemporains. Et c'est assez étonnant d'avoir une pensée aussi subtile qui se déploie d'une façon aussi bestiale. Ça, c'est tout à fait choquant, même pour les contemporains, parce qu'on est fasciné par Jaurès, par sa parole, par sa voix, par ses attitudes, et en même temps on est étonné par cette puissance qui se déploie, qui se donne à voir, d'autant que Jaurès, qui ne se préoccupe vraiment que de politique et de vérité, néglige absolument tout le reste. Et vous l'avez dit, on peut y revenir une seconde dessus, c'est étonnant à quel point, par exemple, il se néglige. Il est extrêmement mal habillé, oui, mais vraiment extrêmement mal habillé. Par exemple, dans les grandes occasion, il porte un plastron, mais c'est Aristide Briand qui, très tard, va lui expliquer que le petit élastique, là, ça sert à le boutonner, ça ne se balade pas comme ça. Voilà. Et il a un ami député, alors qui lui est très très coquet, Géraud Richard, et qui va lui offrir des chemises, parce que vraiment, c'est pas digne, la façon dont Jaurès se présente n'est pas digne. Comme ça, ébouriffé, éternel étudiant, intellectuel, voilà, alors là, les poches sont remplies de livres, de vieux journaux pliés, et c'est d'autant plus étonnant que à l'époque, quand on est un député, qui plus est un chef de file de parti, y compris à gauche ou à l'extrême gauche, ça n'empêche pas une certaine forme de coquetterie. Chez Jaurès, absolument pas. Oui. Mais alors, est-ce qu'il arrive, le jeune Jaurès, arrive-t-il à séduire les jeunes filles avec une allure pareille? Jaurès n'a pas vraiment facilité la tâche de ses biographes, parce que si on compare à des Clémenceau, à d'autres orateurs de son temps, on manque terriblement de rebondissements, d'affaires de cœur, de scandales. C'est pas du tout son genre. Il a un premier amour, mais qui est déçu, qui n'aboutira pas. Il va épouser une mademoiselle Bois, qui est la fille d'un notable local, une fille assez jolie. D'ailleurs, on disait à l'époque, on va à Albi pour voir la cathédrale et Mademoiselle Bois. Mais il va y avoir, on peut dire, au moins une grande incompréhension entre les deux. Elle s'imagine épouser un jeune homme plein d'avenir qui va se notabiliser. Elle est vraiment très très mal tombée. On a l'impression que la carrière, enfin ce qui d'habitude anime les hommes politiques, et c'était au moins aussi vrai en 1900 que ça l'est aujourd'hui, c'est-à-dire la carrière, les honneurs, les postes, on a l'impression que ça ne le motive pas d'abord. Et d'ailleurs, c'est plus qu'une impression. On en a la preuve, car au fond, Jaurès n'a jamais accepté un poste. S'il avait voulu, dans un gouvernement radical, un ministère ou un sous-ministère, mais les radicaux auraient été ravis de l'y accueillir et de l'y compromettre. Oui. Mais bien sûr, jamais, à aucun moment, il n'a accepté un tel poste. Il n'a pas du tout couru ces honneurs-là. Pour lui, les socialistes ne devaient arriver au gouvernement que le jour où ils auraient la majorité. Et le seul poste qu'il ait accepté, c'est pendant un an d'être vice-président de la Chambre. Ce qui fait qu'il présidait quelques séances. Et même ça, ça lui a été reproché à l'extrême gauche. Il avait, nous dites-vous, une voix de stentor, il savait s'imposer, quitte à couper la parole aux autres orateurs, etc. Enfin, c'était quand même quelqu'un, il était loin d'être une violette effacée, mais à côté de ça, le jeu est presque absent de son discours. Il parle toujours au nom d'autre chose. Et de façon générale, c'est un homme qui aspire à l'unité. L'unité du socialisme, mais l'unité du genre humain. Parfois une espèce d'unité un peu métaphysique. À tel point que lorsqu'on lit ses textes, et pas seulement ses textes politiques, on a l'impression que pour lui, le but c'est de sortir de soi, de s'abstraire de soi. Les moments où il est vraiment heureux, c'est les moments où il n'a plus conscience des bornes étroites de sa conscience, et a fortiori fortiori des bornes étroites des intérêts privés. Donc c'est quand même une psychologie tout à fait à part. C'est un être extraordinaire au sens étymologique du terme. Et aussi bien ses partisans que ses adversaires, là aussi, ont reconnu en lui un personnage qui sortait totalement de l'ordinaire. Oui. Est-ce qu'on peut dire que sa vie familiale a toujours été placé au deuxième plan? Est-ce qu'il a été influencé par le privé, par ce qu'il vivait? C'est un homme qui aimait, hein, il aimait beaucoup sa mère, oui. il aimait on ses enfants. On parlait de sa fille hein, tout à l'heure. Alors sa fille, par exemple, il était très respectueux aussi de ses enfants. Sa fille l'a mis dans un très mauvais cas parce qu'elle était religieuse et très tôt. Et par exemple, elle a voulu faire sa première communion. Alors vous imaginez, au temps du petit père Combe, quand les camarades apprennent que la fille du camarade Jaurès va faire sa première communion, ça déclenche non seulement des moqueries, mais même une vraie polémique, parce qu'à l'époque, quand on est à l'extrême gauche, on est anticlérical, violent. Et Jaurès considère que c'est la liberté de sa fille de faire sa première communion. Lui-même, d'ailleurs, n'est pas anti-religieux. Il est bien sûr laïque, mais il admet le sentiment religieux et il considère que ça peut aussi avoir une légitimité sociale. De ce point de vue-là, il est complètement en décalage avec des anticléricaux comme Combes ou Clémenceau. Oui, on a l'impression que les petits combats de son temps n'ont pas de prise sur lui. Il est animé par des choses plus vastes, par un souffle plus grand. Comment expliquer qu'aujourd'hui, même des gens de droite le citent volontiers? Bruno Fulini, ça a fait un certain scandale d'ailleurs il y a quelques années, mais on a l'impression qu'il appartient un peu au patrimoine de toute la France, plus seulement à la gauche. Je vais faire une comparaison qui n'est pas raison, mais est-ce que Victor Hugo appartient à une famille politique aujourd'hui? Je pense que Jaurès, il faut le lire, je dirais surtout si on se sent au départ loin de lui. Si j'ai voulu faire ce livre qui n'est qu'une anthologie et qui est aussi un hommage, c'est parce que finalement tout le monde connaît le nom de Jaurès, il est sur de nombreuses plaques de rue, nous connaissons vaguement sa tête avec cette barbe courte si caractéristique, mais ce qu'il voulait, ce qu'il pensait, tout ça s'est perdu parce que essentiellement ce sont des discours qui ont été prononcés, dont on retrouve la trace dans les vieux numéros du journal officiel. Il y a le fameux discours à la jeunesse. Ça c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est un discours qui est prononcé aux lycéens d'Albi au moment d'une distribution des prix. Ça le touche parce qu'il est député, mais c'est au lycée où il a lui-même enseigné. Et il fait un discours absolument merveilleux qui en fait se lit comme une prière laïque, comme une sorte de leçon de morale au fond sur en particulier le courage. Qu'est-ce que c'est que le courage? Et là, on a une phrase interminable où il définit le courage. C'est à la fois d'une grande beauté et si on se donne la peine de le lire avec attention, c'est une leçon de vie. Ça vaut un célèbre... Ça vaut un célèbre poème de Kipling. Hein. On est à peu près dans cette exigence-là. Et ce n'est pas fait ce que je dis pas ce que je fais, puisque lui-même met tout cela en pratique, en permanence. On le voit courageux jusqu'à la mort, puisque, encore une fois, il va se faire tuer sans avoir pris de précautions. Il se battait en duel. Il y a un courage physique chez cet homme, au-delà même du courage moral. Hein. Le courage physique est de toute façon nécessaire quand on fait de la politique sous la Troisième République, parce que le duel est une pratique courante. Dans le cas de Jaurès, qui est un intellectuel, qui n'est pas un homme qui a été vraiment formé à se battre, le courage est d'autant plus méritoire. À un moment, par exemple, sur la question de Jeanne d'Arc, il va se battre en duel avec le nationaliste Déroulède, et fioriture, Déroulède a été banni du territoire national pendant l'affaire Dreyfus pour une tentative de coup d'État. Alors Jaurès fait en sorte que le duel puisse avoir lieu à la frontière franco-espagnole. Jaurès va obtenir du gouvernement un sauf-conduit pour son adversaire, pour qu'il puisse faire quelques pas sur le territoire français, et là, on va échanger des balles. Alors, entre le poète et le philosophe, ils sont tous les deux de très très mauvais tireurs, donc il n'y aura pas de victime, mais le duel a lieu, il s'expose physiquement. Le courage, c'est de ne pas subir la loi du mensonge qui passe, avait dit Jaurès, c'est sublime. Le monde, selon Jaurès, vous avez là des apophtegmes, j'allais dire, des réflexions, des discours, des prophéties de Jaurès, c'est aux éditions Talendier. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Lucille. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait connaître l'origine de l'expression « pleurer comme une madeleine ». Et d'ailleurs, Lucille a bien écrit l'expression avec un M majuscule. Déjà, ça permet de mieux comprendre de quoi on parle, parce que ça n'a rien à voir, évidemment, avec la madeleine de Proust, par exemple. La madeleine dont on parle, c'est Marie-Madeleine, ou Marie la Magdaléenne, en vérité. C'est donc un personnage, c'est une figure, plus exactement, du Nouveau Testament. On a comme ça, dans les expressions tradition commune, un certain nombre de références au Nouveau Testament. On parle de Marthe et Marie pour désigner, vous savez, la femme qui est au fourneau et puis celle qui préfère les livres, si l'on peut dire. Et puis le frère de Marthe et Marie, c'était Lazare de Béthanie. Mais on parle toujours de la résurrection de Lazare. Je ne vais pas vous faire du catéchisme à ce micro et à cette heure-ci, mais il y a énormément d'expressions du langage, de la langue de tous les jours qui viennent précisément des évangiles. Alors, la Marie, la Magdaléenne à laquelle il est fait référence, c'est une des disciples de Jésus, considérée comme le premier témoin de la résurrection. Lorsqu'elle apprend la venue de Jésus dans le village de Magdala, elle se présente à lui, elle se met à genoux en pleurant, et elle lui lave les pieds tout en lui confessant ses péchés, et elle pleure abondamment. Vous voyez d'où va venir l'expression. Et elle pleurera de nouveau en découvrant le tombeau de Jésus ouvert et vide. Et c'est à elle que Jésus ressuscité apparaît en premier en lui demandant de sécher ses larmes. D'où l'expression pleurer comme une madeleine. Parce que beaucoup de peintres dans toute l'histoire de la peinture occidentale ont pris ce modèle pour justement, ça permet de représenter une femme avec de grands cheveux, avec ses yeux nimbés de larmes, etc. Évidemment, c'est un beau modèle. On trouve l'expression dans la Comédie humaine de Balzac. L'expression devient courante à partir des années 1830, mais il ne faudrait pas oublier qu'elle est en vérité beaucoup plus ancienne, puisque dès le XIIIe siècle, il y avait une expression qui disait « faire la Madeleine ». Et faire la Madeleine, déjà, ça voulait dire affecter le repentir.